Elle te regarde avec des yeux noirs, des ombres qui glissent dans le bar tard. Tes rires trop forts résonnent comme des coups. Sa rage silencieuse étouffe tout, tout. Le verre à la main, elle tremble un peu. Un feu discret brûle tout dans ses yeux. Elle voudrait crier, te tirer à elle, mais sa voix se brise dans la ritournelle. Elle te suit des yeux comme une ombre fatale, un spectre jaloux sous une lune sale. Son cœur balourd, il écorche ses nuits, esclave d'un rêve qui jamais n'enfuit. Dans l'obscur, sa haine danse, un balai fou.